Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans la machine à son. Alors, comment allez-vous? Bonne petite semaine, tout s'est bien passé, ça va? Les emplettes de Noël, ça y est, ça commence, l'hystérie. Eh ben oui, ben voilà. Et le professeur, il voulait en plus faire une émission de Noël. Alors là, j'ai dit, attends, on se calme, déjà, on n'est que le 3 décembre, donc calmons-nous. Et il me dit, oui, mais c'est bientôt, ça va arriver vite et tout, il faut se préparer. Non, ben, voilà. Donc nous ne ferons pas d'émission de Noël, je vous le dis tout de suite. Comme ça, c'est réglé, il fait la gueule, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, en échange... Je lui dis, voilà, tu peux choisir autre chose, si tu veux, un truc un peu, voilà, qui change. Il me dit, oui, j'aimerais bien faire une émission de tube. Ah, je lui dis, bah alors là, c'est pareil, c'est encore pire que Noël. Puis je lui dis, en plus, nous, les tubes, on n'y connaît rien. Donc c'est la catastrophe. On ne connaît que les tubes qu'ils ont connus par 12, 15 personnes, 20 personnes, si on fait l'international. Donc, fatalement, ça va être un peu compliqué de faire dans le tube. Et bon. Alors c'est pareil, ça l'a beaucoup déçu. Il me dit oui, en fin d'année, tu me déçois vraiment. Je vais peut-être changer de technicien. Bah oui, c'est ça, ouais. Change de cerveau et puis ça sera plus simple. Donc voilà, vous avez, ça a été un peu compliqué quand même. Hein. Oui, c'est ça, fin d'année, ça stresse la fin d'année. Donc on va quand même essayer de faire quelque chose. Alors je lui ai promis un tube au début, un tube à la fin, des tubes à ma sauce à moi, donc bon, vous verrez bien. Et puis après le reste du temps, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous mettre de la musique. On est quand même là pour ça. Je suis complètement un peu de... Je suis un peu bizarre, j'ai le nez chaud. Alors vous comprenez, voilà, c'est un symptôme étrange d'avoir le nez chaud. Mais bref, vous inquiétez pas, ça m'empêche pas de parler. Vous en êtes les témoins. Donc voilà, nous allons donc commencer la machine à son. Comme ça, je vais arrêter de me taire. Alors attendez, je me lève, je suis emmêlé dans tous mes fils. Voilà, je m'apprête à vous lancer. Donc le premier morceau... Ah, ouais, qui est presque un tube quand même, quoi. Allez, à tout à l'heure. Thank you. en fait, de tube, c'était un peu raté. Mais je vous l'avais dit, la machine à son, c'est vraiment une émission totalement sans tube. Get past the people, get past the hitmen. Get on down like I wanna get on the good foot. Le professeur est content. Eh oui, quand même. Voilà, je suis pas trop bégueule, je mets quand même un petit tube ou quelque chose qui ressemble à ça. Et il m'a dit, tu as très bien fait, cher technicien, car tu leur as mis le bon pied dans l'oreille. Bon, une façon de s'exprimer, vous savez, le professeur, des fois, on comprend pas tout ce qu'il raconte, mais c'est pas très grave. Allez, reprenons le fil de l'émission passionnante de ce soir. Donc là, pour la chanson qui suit, munissez-vous, si vous pouvez, vous avez le courage et vous savez écrire, d'une petite feuille de papier, d'un petit crayon, car le professeur a décidé de vous offrir une recette de cuisine au cas où vous auriez une panne d'inspiration pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc prenez note, ça peut vous sauver. Le travers de porc, ce qui me plaît moi, c'est qu'on le mange avec les doigts. Vous versez du vinaigre de cidre et y faites fondre les oignons hachés. ajoutez le ketchup, le thym, le laurier, du sel, du poivre, du cumin, du piment de Cayenne, de la moutarde, du coriandre, de l'ail émincé. Et laissez mijoter en ajoutant quand il le faut un peu d'eau. D'autre part, préparez sans le cuire un mélange salé et poivré de vinaigre de cidre, de miel et d'ail et d'oignons hachés. Vous en badigeonnez généreusement les morceaux de travers de porc et vous les faites cuire bien à cœur sur votre barbecue. Faites comme moi. Découpez votre part entre chaque petit os en petits morceaux que vous trempez dans la sauce servie bien chaude et que vous mangez avec les doigts. Vous savez ce que vous allez pouvoir faire comme petit plat de fin d'année. Voilà. Si vous avez des invités que vous aimez pas trop, je pense que c'est une bonne idée du professeur. Et vous, le professeur, il a souvent des idées comme ça. Il voulait s'installer cabinet de conseil, faire un peu des trucs comme ça pour les gens qui ont qui manquent d'idées, qui manquent de concepts. Mais je sais pas, il a eu la flemme. Mais ouais, il est un peu feignant quand même. Hein. Bon. Pas pour la machine à son, ça faut avouer qu'il travaille d'une façon déraisonnable. Et oui, en parlant de déraison, ce que vous allez entendre, et ben en fait ça n'existe pas. pour toujours. Violette de Raison, le canari. Eh bien, le canari n'existe pas. Et Violette de Raison, c'est une violette que jamais vous ne pourrez cueillir. Eh oui, elle n'existe pas non plus. Tout ça, c'est du faux. C'est fabriqué par des machines qui sont capables de faire de la musique. Et le professeur, il a trouvé ça bien. Il a cru que c'était quelqu'un. Il a cherché partout. Violette de Raison, machin. Il était en transe. Eh bien, que dalle, elle n'existe pas. Depuis, il flippe sa race. People. seringue a ingurgité le nectar. Que la caisse sorte de terre et si elle sent si dangereuse. Cela n'est pas indifférent à l'homme, parce qu'il reconnaît là la perfection de ce qu'il tente ailleurs par ses grands garages, ses aérodromes. Puis, quand elle est folle, brand new Cadillac. Grosse middle. Chouette. Do you remember? It was 1959. The observatory. What a strange story. Rock and roll Stetson is a Stetson where we can do what we want to do. Chouette. Gross middle. Jack's bicycle is music. Gross module. Schwab. Everything is possible. Possible. Rock and roll Stetson is the second pirate session of a strange wax. Gross module. Listening. Listening to an outlaw rock and roll Stetson. Outlaw. Outlaw. I'm in a rock and roll Stetson and I'm waiting for Michael, who's not here. Brand new Cadillac, do you remember? It was 1959 in the observatory. What a strange story. Rock and roll station is a station where we can do what we want to do. Schwab. Jack's bicycle is music to my ears. Everything is possible. Possible? Rock and roll Stetson is a second pirate session of a strange wax. Gross module. Gross module. Listening. Listening to a rock and roll Stetson is to be. Is to be. Move over, baby. I got a machine that's hot. And it's just raring to go. That queen, I set her on my black machine. Take her where she's never been. Jeez, oh, so cold in that jazz black machine. Jazz black machine. In the way, next celebrate that jazz black machine. Come on, Bob. When I accelerate, I never ever miss a day. I never make that lady wait. Never thought she'd even wait, but I jazz like a sheep. Jazz like a sheep. Miss a day. I never make that lady wait. I never thought she'd even wait. But I dance like a sheep. Dance like a sheep. Au cas où vous ayez perdu la mémoire, pardon, ben vous êtes toujours dans la machine à son. Une émission sans tube, mais avec la crème de la crème. Crème qui sent parfois un petit peu la fumée. Thank you. sight again. Kick, ding, can. Soon you get better. Kick, ding, can. Soon you get higher. Kick, ding, can. Soon you get better. Kick, ding, can. Soon you're gonna get higher. We'll be right back. Spurs. Whip them. Thank you. petits amis, ça sent le final. Allez, remettez votre pyjama, vous allez pouvoir vous recoucher. La machine à son, on a une aussi. Oui, pas dans votre cœur, je le sais, la machine à son est immortelle. Mais vous inquiétez pas, nous sommes un peu de la race des immortels, le professeur et moi. Donc là, vous entendez derrière Simon Day, The Message. Avant ça, The Omonix, Killer Keen, The Covids. Très très bien, The Covids, Bennett from the USA. Avant, une petite, un petit imbroglio de Stelvio Cipriani, Blue Jean Tyranny. Avant, Ice. Pas trop mal, mais le reste du disque est un peu funky, trop quoi. Et c'est pas grave, hein, y a au moins un bon morceau. Nemo. Intéressant, Nemo, intéressant. Kick a Tin Can, histoire d'un mec qui cherche un peu de la canne dans la rue et qui tape dans les tin can. Je me dépêche. Randy Carlos et son orchestre, More Smoke, c'était dans le même esprit. Vince Taylor, Jacques Berrocal, Bernard Vité et Françoise Achard, excellent, Nectarotech. Tamia, Bush Tetraz, Violette Déraison, la femme qui n'existe pas. Anne-Marie Pesson, qui par contre a existé, James Brown et Simon Day au tout début. Bonne nuit.